Les grands feuilletons de France Culture. Le mystérieux docteur Cornelius. Neuvième épisode. Le secret de l'île des pendus. Ainsi, les nouveaux personnages dont nous avions fait connaissance au précédent épisode ont un sort bien difficile à peine entré dans notre feuilleton. Si l'on s'en souvient, Lord Buridan, ce milliardaire anglais surnommé Milord Bamboche, le poète français Agénor Marmousier et le peau rouge Cloum avaient réussi à échapper au naufrage du Ville de Frisco en embarquant à bord d'une baleinière. Il n'y avait pas plutôt pris place qu'une vague emportait Agénor sous les yeux horrifiés de ses compagnons impuissants. Après une nuit de lutte contre les éléments déchaînés, Lord Buridan et Cloum avaient abordé une terre inconnue. Étaient-ils enfin sauvés ? Hélas ! À peine avaient-ils débarqué qu'ils étaient entourés par d'étranges hommes barbus et menaçants qui leur signifiaient qu'ils étaient prisonniers. Et prisonniers de qui ? De la main rouge. Car c'est ainsi que l'on vous nomme, si j'ai bien compris. Où nous menez-vous ? Ici, on pose pas de questions. Dites-vous bien ça. Bien, bien, bien. Entrez ! Voyez ce monsieur à barbe blanche, derrière cette table ? Oui. Eh bien, c'est un grand savant. Et à partir d'aujourd'hui, vous lui servirez d'aide. Comme vous voudrez, monsieur Slug. Eh bien, ça, alors. Si je m'attendais à trouver un laboratoire aussi bien installé dans cette île sinistre. Ah, ça, alors. Mes respects, cher monsieur. Permettez-moi de me présenter, Lord Astor Buridan. Et voici Cloum, un brave peau rouge. Bonjour, sœur. Pardon ? Excusez-moi, mais je ne comprends pas. Que voulez-vous dire ? Il ne comprend peut-être pas l'anglais, milord. Ah, mais bien sûr, tu as raison, Cloum, je n'y avais pas pensé. Vous parlez français, peut-être ? Non, il ne parle pas français. Sprechen Sie Deutsch ? Non. Milord, je pense plutôt qu'il nous fait signe qu'il ne peut pas parler. Et enfin, que fait-il ? On dirait qu'il arrache des fils électriques. Ah, oh, je ne comprends rien. D'ailleurs, je sens que je commence à m'ennuyer. Ah, eh ben voilà, j'ai fini. J'espère que vous m'excuserez, monsieur, d'avoir été si impoli avec vous. Mais nous étions espionnés. Ces murs sont truffés de microphones enregistreurs. Je les ai tous débranchés et maintenant nous pouvons parler librement. Mais permettez-moi de me présenter à mon tour, Prosper Bondona. Prosper Bondona ? Le célèbre naturaliste dont l'enlèvement mystérieux a fait tant de bruit il y a 6 mois ? C'est moi-même. Oh, mais enfin, et pourquoi vous ont-ils enlevé ? Et où sommes-nous au juste ? Ben, je vous avoue que j'en suis encore à me le demander. J'ai été amené ici après 2 mois de voyage. Tout ce que je sais, c'est que cette île est le repère principal, la capitale, pour ainsi dire, d'une redoutable association de bandits. Mon Dieu ! La main rouge ! Eh oui, vous avez deviné. La main rouge. Depuis 4 mois que je suis ici, j'ai fini par apprendre certaines choses. Savez-vous, par exemple, comment ces bandits appellent cette île ? L'île des pendus. L'île des pendus ? Et pour quelle raison ? Écoutez-moi bien. C'est ici que se réfugient, en attendant qu'on les ait oubliés, tous les condamnés à mort, véritablement exécutés, mais que des médecins affiliés à la Main Rouge ont réussi à arracher à la mort. La pendaison, comme la chaise électrique, ne sont pas mortelles si l'on a soin de prendre, avant le supplice, certaines précautions, vous comprenez ? Oui. En somme, cette île est peuplée de gens dont l'acte de décès a bel et bien été enregistré. Exactement. Ah. Mais enfin, savez-vous au moins pourquoi ils vous ont enlevé ? Ah, si je le sais. Malheureusement, oui. Je n'étais pas plus tôt arrivé qu'un homme est entré dans ma cellule, le visage couvert d'un masque de caoutchouc. Je pense que c'est le déguisement de ceux qui semblent être les chefs. Il m'a immédiatement mis le marché en main, ou bien j'acceptais de leur faire connaître toutes mes découvertes et de me mettre à leur disposition pour d'autres inventions. Ou bien je refusais et je me rendrais vite compte qu'ils étaient assez puissants pour s'en prendre à ma fille Frédérique et à ma filleule André de Maubreuil. Ah, les misérables. Oh, ils sont au courant de tout. Et pour me montrer qu'ils ne plaisantaient pas, il m'a même menacé d'abattre pistolet mon chien devant mes yeux. Les misérables. Les misérables. Et vous avez accepté? Que pouvais-je faire d'autre? J'ai accepté et je me suis mis au travail. Je dois dire qu'ils ont été très coopérants. Comme vous le voyez, j'ai à ma disposition tous les appareils et toutes les substances dont j'ai besoin pour mes expériences. Et c'est extraordinaire, ce laboratoire. Et je n'ai qu'un mot à dire pour que les métaux les plus rares, les machines les plus coûteuses, me soient immédiatement fournis. Et pour m'aider, ils ont même mis à ma disposition quelques-uns de ces gaillards à longue barbe que vous avez peut-être aperçus dans l'île. Oh, les Tramps. Oui, les Tramps. Malgré leur mine d'assassin, ils sont d'une docilité parfaite. Les misérables. Les gredins, les misérables. Je vous jure, monsieur Mondona, qu'une fois sorti d'ici, je tirerai de ces gens-là une vengeance terrible. Oh, à quoi bon la vengeance? Je ne veux de mal à aucun de mes ennemis. Et puis ces bandits qui se croient si malins, ils servent peut-être, sans le vouloir, la cause éternelle de ce progrès toujours en marche, qui s'avance infatigablement vers un avenir meilleur, vers une société plus parfaite. Pourquoi dites-vous cela? Eh bien, parce que justement, ils ont exigé de moi les formules qui permettent de décupler le rendement des cultures, comprenez-vous? Non, pas très bien, j'avoue, mais... Ce que j'avais réalisé en petit dans mes jardins, on doit à l'heure actuelle le réaliser en grand dans les plantations de coton et de maïs des États-Unis. Ah, oui. Il m'aurait fallu des millions pour vulgariser mes découvertes. Grâce à ces bandits, c'est fait. Ils ont cru me voler et ils travaillent sans le vouloir à l'œuvre à laquelle j'ai rêvé. Le développement intensif et à bas prix de toutes les cultures, la disparition de la faim et de la misère dans le monde. Oui, vous avez peut-être raison, après tout. Mais moi, que vont-ils faire de moi qui ne suis pas comme vous un grand savant? Oh, ils se contenteront sans doute d'exiger une forte rançon. Et de toute façon, ils n'attendront pas votre vie. Il l'aurait déjà fait. Attention, attention, on vient. Seraient-ce ces bandits masqués dont vous parlez tout à l'heure? Oui, ce sont les lords de la Main Rouge. Ne respect, monsieur le professeur. Puis-je me permettre de vous féliciter pour votre ingéniosité et pour votre ruse? Ma ruse? Je ne comprends pas. Vraiment? Vous ne comprenez pas? Voyez-vous, cher monsieur Bondona, vous avez oublié de débrancher quelques-uns des microphones cachés dans le mur. Aussi avons-nous eu le plaisir à l'instant même d'assister à votre très édifiante conversation. Prenez garde, monsieur Bondona, de devenir trop bien informé en ce qui concerne cette île et ses habitants. Cela pourrait vous coûter très cher. Pour commencer, nous allons vous séparer, Lord Buridan et vous. L'honorable Lord, En attendant que nous ayons réglé la question de sa rançon, ira travailler dans les parcs à phoques à fourrure. Emmenez-le. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. J'en référerai en haut lieu. C'est indigne. De quel droit m'emmenez-vous? À bientôt. À bientôt, monsieur le professeur. Et comptez sur moi pour... Votre entente aurait pu devenir dangereuse pour nous. En attendant de trouver mieux, vous vous contenterez comme préparateur de ce brave Cloum. Ah, autre chose. J'ai décidé, en accord avec mes collègues, qu'à partir de maintenant, vous abandonnerez vos recherches sur la météorologie agricole. Mais... C'est ainsi. Vous allez désormais vous consacrer à l'étude de moyens rapides de destruction de navires de fort tonnage et tâcher de trouver quelque chose de mieux que des banales torpilles. Mais vous voulez donc faire de moi le complice de vos pirateries? Jamais, vous m'entendez, jamais je ne mettrai mon savoir au service d'un pareil banditisme. Vous pouvez faire de moi ce que vous voudrez. Ma vie est entre vos mains, mais je ne tenterai pas la moindre expérience de gens. Oh, vous avez encore le temps de changer d'avis. Disons, 3 jours. Si d'ici 3 jours, vous ne nous avez pas donné de réponse favorable, votre chien sera abattu. Et si au bout de 8 jours, vous n'avez toujours pas changé d'avis, eh bien ce sera au tour de Mademoiselle Frédéric et de Mademoiselle André. Ce serait très triste, non? Eh bien, monsieur Bondola, que pensez-vous de cette honnête proposition? C'est bien, je me soumets. Vous êtes les plus forts. Je ferai ce que vous exigez de moi. Attention, monsieur Bondola. N'essayez pas de nous tromper. Vous avez affaire, sachez-le bien, à des savants qui sont dans leur spécialité aussi forts que vous. Je n'en doute pas un seul instant. Tranquille pour bavarder. Entrez, Barrett. Entre, Fritz. Ferme la porte. Personne ne viendra. Nous pouvons enlever nos masques. Ce vieux savant français me paraît rusé en diable. Nous ferions bien de nous en méfier. Nous voyons, mon cher Cornelius, Bondona craint pour ses filles et avec cet argument-là, nous ferons de lui tout ce que nous voudrons. Je n'en suis pas si sûr. Mais si, Cornelius, Baruch a raison, Bondona adore ses filles. Et puis, n'oublions pas qu'il nous a déjà donné des gages sérieux de bonne volonté. L'application de ses procédés a décuplé le rendement de nos cultures de coton et de maïs. C'est possible, mon cher Fritz. N'empêche qu'il a accepté bien facilement de s'occuper d'une invention qu'il doit regarder comme une œuvre abominable. Non, non, je n'ai pas confiance. Ce vieux renard nous jouera un mauvais tour, j'en ai le pressentiment. Bah, je ne vois vraiment pas ce que ce pauvre Bondona pourrait bien entreprendre contre nous, tenu comme il est. Et en admettant même qu'il devienne dangereux, nous pourrions toujours le supprimer, non? Oh non, non, jamais de la vie. J'aime beaucoup trop Mademoiselle André de Maubray pour que... Bien, bien, Baruch. Nous respecterons la vie de votre futur beau-père. Ah, au fait, dites-moi, avez-vous remarqué comme le chien de Bondona me déteste? Il ne se trompe pas, lui. Il reconnaît parfaitement Baruch Jorgel sous les traits de Joey Dorgan. Ça me ferait un plaisir de l'abattre. Il n'en est pas question. Bondona a pour cet animal une très grande affection, Cornelius. Sa crainte de le voir périr est un de nos meilleurs moyens de pression. Bon, laissons ce sujet de côté. Notre yacht part ce soir et il est indispensable que nous fassions une sévère tournée d'inspection. N'oublions pas que cette île, l'île des Pendus, la capitale de la Main Rouge, est un atout capital dans la partie que nous jouons. C'est notre réserve, c'est notre arsenal, notre entrepôt, notre laboratoire secret, notre forteresse, c'est notre... Quelle grandiloquence, mon cher Fritz! Les chevaliers du Moyen-Âge devaient parler ainsi de leur donjon. Mais dites-moi, ne croyez-vous pas que les choses ont changé aujourd'hui. Que voulez-vous dire, Baruch ? Mais je veux dire qu'il suffit qu'un simple torpilleur s'approche de cette île pour que votre arsenal soit réduit en poudre et vos trames se conduisent à fond de calme, note au poignet. Vous croyez cela ? Eh bien, sachez que nous avons tout prévu. L'île est entourée d'une ceinture de torpilles et de mines flottantes à 3000 à la ronde. Aucun navire, fût-ce un cuirassé de première classe, ne pourrait en approcher sans couler à pic. Vous comprenez ? Il faudrait une flotte entière pour s'emparer de l'île dépendue. Et si un détachement de matelots arrivait quand même à débarquer ? Il serait totalement anéanti. L'île est entièrement défendue par des haies de barres électrisées qui foudroient ceux qui essaieraient de les franchir et par des fossés à dynamite capables de réduire en fumée des régiments entiers. Et puis, vous oubliez nos hommes ! Ils sont tous condamnés à mort et se battront jusqu'à la dernière goutte de sang. Eh bien, si le gouvernement de l'Union était au courant de cet état de choses... Et justement, personne n'est au courant. Et c'est notre force. D'ailleurs, cette île n'intéresse et n'a jamais intéressé personne. Mais quand même, on sait qu'elle existe. À peine. Elle n'est sur le passage d'aucune ligne de navire. Elle ne figure même pas sur la plupart des cartes marines. Elle est située un peu au sud des îles Aléoutiennes. Et a été découverte au XVIIIe siècle par des navigateurs allemands qui lui ont donné le nom d'île Saint-Frédéric. Oh. L'île a été pratiquement oubliée pendant un siècle. Il y a quelques années, elle a été l'objet d'une discussion entre la Russie et les États-Unis, et finalement, elle a été officiellement attribuée à l'Amérique, en 1901. Mais ce territoire glacé était si peu intéressant que j'ai pu l'acheter au gouvernement américain pour une bouchée de pain. Sous prétexte d'y monter un élevage de phoques à fourrure. Mais en somme, ces phoques sont votre couverture. Exactement. D'ailleurs, vous les verrez. On les élève au nord de l'île. Et les quelques familles d'Esquimaux qui s'en occupent ignorent totalement ce qui se passe dans le reste de l'île. Bon, mais il se fait tard. Il est temps d'aller inspecter nos hommes. Ils nous attendent dans le réfectoire. Remettons nos masques. Silence ! Et l'ordre de la main rouge ! Eh bien, capitaine Slug, nous sommes sur notre départ. Rien à signaler ? Non, votre honneur. Nous espérons que les lords sont satisfaits de la bonne tenue et de la discipline. Très satisfaits, capitaine Slug. Et pour marquer notre satisfaction, nous autorisons à partir de maintenant la distribution d'une double ration de whisky tous les samedis. La situation est-elle toujours bonne au point de vue sanitaire ? Excellent, votre honneur. Sauf que Jackson, depuis qu'il a été électrocuté, est toujours agité d'un tremblement nerveux qui ne guérira sans doute jamais. Quant à Moller, il a été si brutalement pendu au Canada que son cou, malgré les massages, ne redeviendra jamais droit. Ah, il y a aussi Berval. Il a été lynché à demi-grillé sur un morceau de fagot enduit de pétrole. Nous avons dû lui amputer un bras. À part ça, il n'y a pas de malade. Très bien. Nous ferons rapatrier Berval dès qu'on lui aura fabriqué de faux papiers. Il touchera la pension à laquelle il a droit. Les lords de la main rouge n'abandonnent jamais leurs amis. Ni leurs ennemis. Eh bien, capitaine Slug, je vais passer vos hommes en revue. Garde-vous ! Toi, pourquoi es-tu ici ? J'ai été électrocuté, votre honneur. Et rappelé à la vie dans l'amphithéâtre par un docteur appartenant à la Main Rouge. Très bien. Et toi ? Pendu, sœur. Et toi ? Évadé du pénitencier, votre honneur. Toi ? Électrocuté. Et toi ? Pendu. Toi ? Pendu. Et toi ? Dans votre Espagne, seigneur. En Espagne, ah oui. Je me souviens de ton cas. Et toi ? Échappé des mines de verre de gris en Sibérie, après avoir subi la peine du Knout. Très bien. Ah, et toi, père Marlin ? La santé est-elle toujours aussi bonne ? Très bonne, votre honneur. Je vais sur mes 82 ans... Et ça ne m'empêche pas d'avoir bon appétit et de trouver que le whisky n'est pas une mauvaise chose. Vous voyez, ce vieillard baruque. Oui, oui, il a l'air d'un vrai patriarche. C'est le doyen des Tramps. Dès sa plus tendre enfance, il attaquait les gens sur les grandes routes. Il a été pendu deux fois et lynché en tant d'occasions, qu'il ne s'en rappelle même plus le nombre exact. Il a toujours eu la chance de s'en tirer sain et sauf. Son nom est célèbre dans toute l'Amérique. Eh bien, nous vous remercions, capitaine Slug. Nous allons continuer notre inspection. Rompez les rangs ! Vous ne connaissez pas encore notre imprimerie, Baruch. Oh, une imprimerie ? C'est ici que nous fabriquons les faux papiers dont les membres de la main rouge ont besoin. Car il est souvent nécessaire pour beaucoup de Tramps de changer d'identité. Nous possédons aussi tout un assortiment de textes et d'imprimés gouvernementaux. Une collection de timbres. Et de cachets officiels et des produits chimiques. Dans le genre de l'hypochlorite de chaux et de l'eau oxygénée pour les changements de date. Ah, mais dites-moi, mais vous êtes parfaitement dotés. Oh, rien ne nous manque. En une heure, je puis avoir un acte de décès ou de naissance. N'importe quel certificat, oui, dont nul ne pourrait contester l'authenticité. Extraordinaire. Mais attendez, mon cher, vous n'avez pas encore tout vu. Suivez-moi. Je vais vous faire visiter notre fabrique de fausses banknotes. Voyons, Fritz, je sais bien qu'elle ne fonctionne pas en ce moment. Nos coffres sont pleins et nos ateliers sont en chauffage. Oh, c'est vrai, j'oubliais. Mais nous pouvons toujours montrer à Baruch Julian et Johnny. Julian et Johnny ? Mais ce sont deux graveurs qui possèdent un extraordinaire talent. Ils se sont fait une spécialité dans la production des billets de banque de toutes les nations civilisées. Et personne n'a jamais réussi à s'apercevoir de la contrefaçon. Tenez. Tenez, nous y sommes. À travers ce Judas. Mais ne faites pas de bruit. Il ne faut pas qu'ils s'en aperçoivent. Vous les voyez ? Oui, oui, oui, je les vois. Mais, oh, mais dites-moi, mais c'est extraordinaire. Mais comment avez-vous fait ? Laissons-les. Venez. Alors, que pensez-vous, mon cher Baruch, de nos amis Julian et Johnny ? Mais ce sont vos sosies. Mais si vous n'aviez pas été avec moi, j'aurais juré que c'était vous que je voyais à travers ce Judas. Eh oui, Baruch. Vous vous doutez bien que dans la vie que nous menons, il est quelquefois utile de posséder un sosie, ne serait-ce que pour établir parfois un bon alibi. Oh, vraiment extraordinaire. Mais comment avez-vous fait ? Eh bien, ces deux honnêtes graveurs avaient avec nous une certaine ressemblance. Mon frère Cornelius s'est contenté de parachever délicatement l'œuvre de la nature. Il a montré une fois de plus qu'il était bien celui qu'on appelle le sculpteur de chair humaine. Extraordinaire. Notre yacht reviendra dans le courant du mois chercher les hommes dont la présence est redevenue possible aux États-Unis. Monsieur Bondona, ce sont les lords de la main rouge qui partent. Eh bien, mon brave Clum, il s'agit maintenant de rester le moins longtemps possible dans cette maudite île des pendus. Pour commencer, nous devons absolument prendre contact avec Lord Buridan Eh ben, nous trois, nous réussirons bien à nous évader. Ah, à nous quatre, monsieur Bondonna. Nous quatre. Vous oubliez Pistolet. Ah. Pistolet, mâche-tu, Pistolet. Pistolet, voyons, tête. Ouah, merci, Pistolet. Bondonna et ses amis réussiront-ils à s'évader de l'île des pendus? Quel moyen le génial savant va-t-il mettre en œuvre? Vous le saurez en continuant d'écouter notre grand feuilleton d'aventure et d'évasion, le mystérieux docteur Cornelius. Prochain épisode, les bandits du quartier chinois. C'était Le mystérieux docteur Cornelius, un feuilleton d'Edith Lauria, d'après le roman de Gustave Lerouge. Neuvième épisode, Le secret de l'île dépendue. Avec Pierre Vanek, Marc de Géorgie, Jean-Jacques Aslanian, Jean Vienner, Michel Bouquet, Jean Topard, Jean-Pierre Joris, Pierre Riche, Éric Burnelli, Guy Chapelier, Pierre Godeberge, Jean Martin. Musique du générique Jean Vienner, bruitage Louis Matabon, chef opérateur du son Bernard Charon, collaboration technique Noélie Louis-Marie, assistante Brigitte Bouvier, réalisation Alain Barou. Première diffusion sur France Culture le 5 janvier 1978. À réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.